Okay, I am here. She's yelling. Oh. Bon. Moi, je restais là. Tranquille dans ma maison. Okay, let's play. Tu veux pas nous jouer de keyboard dans ce bibip? D'internet. Allez. Tu ne m'entends pas? Et là, tu m'entends? Pourtant, ça dit. Si je monte ça. C'est terrible. Pourquoi j'ai plus de revoir? J'ai plus rien. Y'a plus rien. Oh, secours. Attends, je vais monter un truc. Let's go. Do you hear me? Do you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Putain, mais c'est peu. Et maintenant, que vais-je faire? Et tu m'entends là dans mon église? peine, tu dis, c'est pas possible, je suis à fond dans mes oreilles. Mon micro. Est-ce que tu m'entends? Ta ta ta ta ta. Ah, j'ai tourné à zéro, je me suis mis sur la deuxième ligne. Moi, aucun effet. Allô? Y a quelqu'un? Il jouait du tam tam debout. C'est quelque chose qui peut le rendre fou. Mais en attendant, dingo là, tu fais un bruit de ah, attends, faut le baisser. Ah. Tu peux répéter la question? Déjà, faut lui dire qu'il... pronom. Mike, come on. Non, c'est pas vrai. Ah putain, mais ce son est horrible. Ce son, mais réverbe. Oui, déjà. Qui commence au premier. Yes, we are voting for you, warrior. We are waiting. You need the metronome. So. Okay. You see, it's 1 to 16. Okay? So, you start at 1. C'est pas la peine, il est setting le vote. Merci pour la traduction. Peut-il comprendre même en anglais? Je ne suis pas sûr. J'ai un doute. J'ai perdu mes effets. Possible.